Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et bien entendu, à ce moment ici de l'émission, c'est le temps de mon commentaire de disque. Commentaire de disque, vous pouvez lire sur les sites de www.centrare.qc.ca ou www.quebecpop.com ou encore ma page Facebook de Canrock. Vous faites CANROCK, C majuscule, R majuscule, bien sûr. Vous voyez la map du Canada, le Canada avec un drapeau canadien et Canrock écrit en noir. Vous êtes au bon endroit pour avoir de l'information sur la francophonie musicale canadienne. Et cette semaine, le disque que je vous propose, c'est tout simplement un troisième EP pour Christine Saint-Pierre. L'auteur-compositrice-interprète Christine Saint-Pierre nous offrait à la fin de l'automne 2017 un troisième disque intitulé « La promesse », donc une réflexion sur la vie, l'amour, la mort. La pièce-titre dresse bien la table. C'est un univers folk aux orchestrations solides et efficaces. Du violoncelle au piano, des guitares aux percussions, tout est finement bien déposé pour obtenir l'émotion recherchée. Christine Saint-Pierre est en plein contrôle de sa voix, tantôt douce, tantôt enflammée, mais toujours juste, afin de nous livrer des textes qui nous interpellent tout au long de ce petit EP de 6 chansons environ. On va y aller, si vous voulez bien, avec tout simplement la pièce-titre de l'album. Mais juste avant, il est important de vous donner son adresse, christinesaintpierre.com, Christine avec un K, bien sûr. Donc, christinesaintpierre.com pour découvrir son univers. Voici la pièce-titre de son troisième EP. Ça s'appelle « La promesse », Christine Saint-Pierre. Ce n'est pas toujours facile quand la vie nous rend fébrile. Sous le poids des années, on a peine à nommer tout ce qui nous a changé. On n'a pas toujours le choix de voir au-delà de soi. Dans ce monde en colère où nos jours sont comptés, où ce n'est plus le temps d'hésiter, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, chercher sa raison, chasser ce qui blesse. Vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Mais à quoi bon courir? Ooh. je chasserai ce qui plaise. J'en fais la promesse. Les pièces maîtresses de cet album, eh bien, il y a, pour commencer, « Toutes les choses », hein, qui nous parle de l'importance des souvenirs pour se rappeler qui nous sommes. Il y a aussi un superbe crescendo qu'on va entendre dans quelques instants. C'est la pièce la plus longue, mais j'adore pour l'univers musical et aussi le texte. C'est un énoncé sur le silence qui pèse lourd dans les relations amoureuses. 35 000 mots, vraiment une très, très, très bonne pièce. Les femmes qu'on va entendre en fin de commentaire et dont Christine Saint-Pierre a lancé un vidéoclip le 8 mars dernier sur cette chanson-là, est un des plus beaux textes qui rend hommage à ces femmes qui se battent pour leur dignité. L'intensité de la trame musicale rend bien justice aux propos. Finalement, sur une trame de piano remplie de mélancolie se dresse le texte de l'album, selon moi, « Si je ne te dis plus, je t'aime », un cri du cœur sur le mal d'amour livré encore là avec une intensité hors du commun. Et pour l'instant, voici 35 000 mots, Christine Saint-Pierre. Il y a un écart, un grand couloir entre nos mains, entre nos pas. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant les que le temps voudrait être. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Il y a 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. De te retenir, tu peux tout me dire, la gorge asséchée. D'avoir tant envie de crier, sans un bruit, tu as quitté les fleurs en fané. Le temps s'est froissé devant ces mots à jamais ancrés. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Te parler, y a aucune raison Il y a tellement de choses, tellement qu'on aurait pu se dire. Pour t'exprimer, il y a 35 000 fois j'aurais voulu t'écouter. Et toutes les raisons que t'avais sont à toi. Il y a une certaine lourdeur émotionnelle dans cette chanson-là. Les percussions sont assez lourdes aussi pour démontrer vraiment là, la pesanteur de ce silence-là dans un couple, dans une relation amoureuse. Très, très bonne chanson. 35 000 mots. Eh bien, La Promesse, une parcelle de vie sur des mélodies très bien peaufinées, des orchestrations intenses qui rendent justice aux émotions de chaque chanson. Des textes qui nous interpellent et qui nous démontrent tout le talent de l'auteur-compositrice-interprète Christine Saint-Pierre de la région de la capitale nationale, de la région d'Ottawa. Laissez-vous charmer par ce bel univers folk en visitant son site internet christinesaintpierre.com, Christine avec un K bien sûr. Donc christinesaintpierre.com, allez visiter ce site-là. On va se quitter sur une dernière chanson dont un vidéoclip a été lancé le 8 mars dernier. Ça s'appelle « Les femmes ». Voici l'auteur-compositrice-interprète Christine Saint-Pierre. Harcelée, exploitée, elle peine à crier. Déplacée, réfugiée, elle peine à continuer. Délaissée, oubliée par le monde entier. Résister. chambre d'hôtel à Saint-Germain, les grands boulevards et le métro, chacun sa guitare à la main. La joie de vivre en Parigo, une rencontre d'après-guerre, Paris vivant qui veut swinguer, Django Reinhardt, Félix Leclerc, une affiche dont on peut rêver. Entre Félix et Django, ce fut l'amitié tout de go, le grand six pieds, l'homme aux trois doigts, Hôtel Cristal rue Saint-Benoît. Entre Félix et Django, ce fut l'amitié tout de go, le grand six pieds, l'homme aux trois doigts, Zigane et poète à la fois. Django et sa guitare Selmer, la voix grave de Félix Leclerc, on peut toujours imaginer ce que ces deux-là ont chanté. Le train du Nord va faire un tour, s'évade au puce de Clignancourt, un air fredonné à Nogent revivra sur l'île d'Orléans. Entre Félix et Django, c'est la musique à vol d'oiseau, quand le frère gitan de Bozo y va d'un air au grand galop. Entre Félix et Django, c'est la musique à vol d'oiseau, quand le frère gitan de Bozo s'amuse à faire jaser les mots. Le Saint-Laurent se met en scène, rue Sainte-Catherine, porte d'Italie. Comme de vieux potes, ils se promènent, de la Bastille à l'île Saint-Louis. Une paire de souliers qui voyagent, Grappelli, Greco et Boris, un fils du vent et des nuages, et Django rencontra Félix. Entre Félix et Django, sur des chemins qui font rêver, c'est la vie qui bat le tempo, pour un hymne à la liberté. Maintenant Félix et Django, entre Paname et Montréal, dans un sentier près d'un ruisseau, font des chansons sous les étoiles. Hey! Maintenant Félix et Django, entre Paname et Montréal, dans un sentier près d'un ruisseau, font des chansons sous les étoiles. Christine Tassan et les Imposteurs, pièce titre de leur dernier album francophone, Entre Félix et Django. Et ils ont fait une version anglophone, entre autres avec quelques classiques américains de ce style-là, swing manouche. Et là, ils sont en France. Ils étaient en France tout récemment. Là, je pense qu'ils sont là jusqu'au 24 mars ou peut-être d'autres concerts également. Mais ça va très bien. L'accueil en France est phénoménal pour ce groupe-là. Quatre virtuoses, hein, guitare, deux guitares, violon et contrebasse. Donc, les imposteurs sont Martine Gaumont, Lisanne Ross et Blanche Baillargeon. Et il y a bien sûr Christine Tassan. Donc, Lisanne et Christine sont à la guitare. Blanche est à la contrebasse. Et aussi Martine Gaumont au violon. Et c'est ça, j'ai pu voir sur leur Facebook qu'ils étaient en France et que ça va très bien. Ils ont un bel accueil. Ça va vraiment, là, les gens se déplacent pour aller les voir. Ils sont bien accueillis chaudement après chaque concert. Donc, bien content pour eux, Christine Tassan et les Imposteurs. Allez voir ça sur leur site internet, christinetassanetlesimposteurs.com. Entre Félix et Django, excellent album, bien sûr. On va rester dans le jazz, si vous voulez bien, avec tout simplement Madame Jeannie René, qui, elle, a sorti une chanson pour la Journée internationale de la femme. Mais ça va bien également. Elle aussi, elle était du côté de la France et de la Belgique, si je ne me trompe pas, avec son groupe. Et très bien accueilli là également. Donc, et puis son album L'Éden est un bazar. C'est vraiment très, très bien fait comme album, très solide. Entre les deux albums, Les Valises et L'Éden est un bazar, il y avait une pièce qu'elle avait lancée qui était Blues de tendresse, dont il y avait eu un petit vidéoclip de fait. Vraiment très charmant comme, comme pièce également. Donc, c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants. Mais là, j'ai eu oui dire que Janie René travaille en ce moment en studio à la post-production d'un prochain album qui serait peut-être des reprises franco-ontariennes, reprises de chansons franco-ontariennes en jazz. Donc, ça risque d'être assez intéressant, merci. On va mettre un homme là-dessus à savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que ça s'en vient? Quand est-ce que ça va sortir? Et pour voir aussi comment ça va sonner, ça devrait être assez intéressant, merci. Parce que Mme Janie René est une très bonne auteure-compositrice et interprète, très bonne musicienne également. Donc, ça devrait être assez solide. Pour l'instant, on va terminer la première heure de l'émission Canrock d'aujourd'hui avec Blues Tendresse. Voici de l'Est ontarien, l'auteur, compositrice, interprète Janie René. J'ai un besoin caché, le cœur à soi.